Hey, bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation pour votre rendez-vous avec le bon rock progressif d'aujourd'hui. On a surtout des pièces et des groupes qui ont fait paraître des albums en 2017 au menu ce soir. Mais on parle également, en lien avec des spectacles qui s'en viennent, d'un album qui date quand même de quelques années. Mais je parle de là de Box. De Box, je vous avais parlé de The Box la semaine dernière. Je pensais en faire jouer une pièce, j'avais pas eu le temps. Alors on va quand même l'écouter ce soir de Le Horla, puisqu'ils seront en spectacle. Et j'espère qu'ils feront plusieurs pièces de Le Horla d'ailleurs, de The Box, le 27 octobre. Mais plus proche de nous, au mois d'octobre, il y a Unreal City, qui est présenté par Terra Incognita, le spectacle de Unreal City, donc ce groupe italien. C'est leur troisième disque qu'ils viennent nous présenter, Frammenti Notturni, donc le 8 octobre, c'est à l'Anti. Et il y aura également le groupe de Québec, Shatters, qui viennent présenter leur nouvel album Static Dreams le même soir. Donc, allez sur notre site www.terraincognita.québec pour avoir les informations sur le spectacle Unreal City qui s'en vient. On écoutera d'ailleurs de leur plus récent album, leur nouvel album, la pièce La Grande Festa in Maschera. Qui est une belle longue suite très très très bonne. Et également on aura la nouveauté de The Tangent. Vous savez que The Tangent nous sert de thème depuis 2003 puisque c'était leur premier disque et en 2003, ben, l'émission a débuté en 2004 en fait, mais c'était une nouveauté. Puis ce qui est le fun de The Tangent, c'est qu'on faisait un pont entre les artistes des plus originaires des années 70 et le nouveau rock progressif. Vraiment la vague du renouveau rock progressif des années 2000 a été extraordinaire. Alors, de leur plus récent album de Tangent, en fait, c'est leur neuvième, The Slow Rust of Forgotten Machinery. Puis, c'est un très long titre. Et également, il y a entre parenthèses, Or Where Do We Draw the Line Now? Alors, c'est Andy Tillison, évidemment, qui est derrière ce projet, qui est derrière The Tangent, mais c'est produit par Luke Makin. Il y aurait également Theo Travis, Jonas Ringgold et Marie-Ève de Gauthier qui fait des claviers et des voix. Alors, moi, je l'aime bien, cet album-là. On aura la pièce Dr. Livingstone, I Presume, mais tout d'abord, Unreal City. We'll be right back.

allez-y, allez-y, tant que vous pouvez, continuez encore, continuez toujours, bien, reprenez, souffle. CKRL, communication.qc.ca, culture. Septembre. Le Festival de cinéma de la ville de Québec, du 13 au 23 septembre. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir, en collaboration avec le Concorde. FCVQ.ca. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était The Tangent. C'est le même groupe qui nous sert de thème depuis 2004. The Tangent est leur 9e album qui vient de paraître au mois d'août cette année. The Slow Rust of Forgotten Machinery. Et c'était la pièce Dr. Livingstone, I presume. Et on avait débuté avec Unreal City de l'Italie. Unreal City qui seront ici le 8, donc dimanche, le 8 octobre à Lanty, pour nous présenter ce nouvel album Frammenti Notturni. On a écouté la pièce La Grande Festa in Maschera. Et il y aura également ce soir le Shatters, j'en parlais tantôt, qui viendront nous présenter Static Dreams, leur nouvel album. Également, la semaine d'après, le 15, il y a Sonus Umbra des États-Unis et Discipline, donc à Lanty également. Enfin, c'est incroyable. Ça a été annoncé il y a seulement une semaine environ, une semaine ou deux. Et donc, c'est à ne pas manquer. Ensuite, les 13 et 14 octobre, il y a Prog Story. Ça, c'est à la salle Jean-Paul Tardy. Et le 27, The Box. Et il y a plein d'autres spectacles qui s'en viennent. Alors, on y va avec... on aura plus d'un groupe de la Norvège ce soir. On y va avec l'excellent groupe Gentle Knife. Ça fait déjà quelques semaines qu'on vous en fait entendre. C'est très bon. Clock on Moon, leur second disque. C'est un groupe qui est formé de 11 musiciens. Alors, il y a beaucoup d'orchestration. C'est vraiment excellent. Excellent. On en a écouté une pièce la semaine dernière, mais là, je peux pas m'empêcher. C'est mon album de la semaine, mon coup de cœur. Alors, The Clock on Moon, la pièce éponyme. Et on aura également Il Tempio de l'Ecclésidré, qui ont sorti un nouvel album cette année. Il Tempio de l'Ecclésidré avait sorti un premier disque en 2010, qui a beaucoup joué, qu'on a beaucoup aimé. Et également Allié Natura en 2007 environ. Puis là, en 2007, puisque ça a débuté en 2010. Donc, ce troisième album, Il Ludere, et on écoutera la pièce La Spirale del Vento. On aura d'autres groupes brésiliens. On aura une nouveauté ce soir, Professeur Tip Top, un peu plus tard. On a également le nouveau Big Big Train. Et plein de bonnes musiques. Restez les nôtres. On y va en musique avec Gentle Knife de la Norvège. We'll be right back.

Alors, ce qu'on entend là, c'est le groupe italien Il Tempio delle Clessidre et leur plus récent album Il Ludere, la pièce La Spirale del Vento. Alors, c'est excellent, hein? Je pense que... Moi, j'aime beaucoup. Et cet album-là, ça m'a pris plusieurs écoutes pour l'apprivoiser. Là, j'étais pas trop certain au début. Je le trouvais un peu... Moi, je me disais en partant qu'il était moins bon que ce que je m'attendais, mais plus je l'écoute, plus je l'aime. Alors, ça risque de se trouver dans la liste de mes albums préférés pour 2017. On en a pas mal, quand même. Il y avait juste avant Clock on Moon de la Gentle Knife, l'album Clock on Moon. Et c'est leur second album de la Norvège. On avait la pièce titre de cet album. Et on poursuit avec Big Big Train qui ont sorti deux albums cette année, en fait. Grimspawn, qui est l'album officiel, et le penchant également avec le second album, avec des pièces nouvelles et aussi des pièces musicales qui sont extraites des albums précédents. Mais dans Grimspawn, en fait, ça aussi c'est un album subtil. Alors dans les premières écoutes, ça se laisse apprivoiser. Il faut l'écouter beaucoup. C'est ça, les bons disques de rock progressif, on les écoute souvent. Alors on écoutera The Big Big Train, Brave Captain, c'est du Royaume-Uni. Et également, ensuite de ça, on aura Stuart Bell, qui est le claviériste de Citizen Kane, qui, dans les années 90, Citizen Kane est un groupe qui a fait plusieurs albums des Pays-Bas. Alors, c'est son nouvel album paru cette année, The Antechamber of Being Part 2. Stories from the Antechamber, avec Simone Rossetti, il y a Arjen Lucassen sur ça, et on aura la pièce Intervention. Mais tout d'abord, Big Big Train, mais ça sera juste, oui, après les quelques messages d'intérêt public. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. C'est KRL. Tout sera anormal en ne regrettant rien. On se dira du mal qu'on n'est pas comédien. Et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Ice cream in the shade. stretched wide, I'll be a brave captain of the skies. your plane emerges from out of the low cloud, inverted, flying upside down, too close to the ground to recover. Come to me. Watch out!

allez-y, allez-y, tant que vous pouvez, continuez encore, continuez toujours. Bien, reprenez, souffle. CKRL, communication.qc.ca, culture. Du 13 au 23 septembre. Le Festival de cinéma de la ville de Québec. Du 13 au 23 septembre. Présenté par Québeca. Alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. FCVQ.ca. Alors, de retour avec Bruno et Marc pour Terra Incognita. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le claviériste de Stuart Bell, le claviériste de Citizen Kane, un groupe des années 90 là, qui a fait plusieurs albums prog. Donc, c'est son second album, Citizen Kane's Stuart Bell, The Antechamber of Being Part 2. Stories from the Antechamber. Et ce qu'on a entendu, c'était la pièce Intervention. Donc, on avait les pièces Sleep Paralysis, Visitation 1, Tipulidac Saves the Day, Visitation 2. Puis, on a eu un petit début de la pièce The Probability of Improbability avec The Purpose of Experience. Alors, c'est un opéra rock, comme vous avez pu le constater, avec plusieurs chanteurs connus, dont le Simone Rossetti de The Watch et également Arjen Lucassen, c'est lui qui est derrière Arion et bien d'autres projets. Et Donc, paru cette année. Juste avant, on avait eu Big Big Train du Royaume-Uni, également un album paru cette année, Grimspound, et la pièce Brave Captain. On poursuit maintenant avec une nouveauté de la Norvège, Professeur Tip Top. Professeur Tip Top, c'est leur quatrième album depuis 2012, donc des années 2010 aussi. Life is No Matter, c'est un album qui était assez planant, à la Tangerine Dream, je dirais. Vous allez voir avec cette pièce, là, c'est la pièce titre de l'album, Life is No Matter. On aura également le groupe du Québec, Circus. Michel a eu une entrevue à l'impro de Circus, donc un groupe de Trois-Rivières, et c'est le premier album là, qui s'intitule Wild Dogs. On aura la pièce Limbo, et également The Box, comme je le disais, qui seront à Québec le 27 octobre à la salle Jean-Paul Tardy, et un extrait de Le Horla, une excellente pièce Sous Hypnose. Mais tout d'abord, Professeur Tip Top. Thank you.